qu'est-ce qu'on pourrait parler? On pourrait parler de l'amitié. Ah, ça c'est une bonne idée. Quelque chose de beau, ça. Qu'est-ce que ça représente, toi, l'amitié? Il ne faut pas nécessairement que l'ami prenne trop de place dans la vie de quelqu'un. Parce que dernièrement, j'ai eu une amie, j'ai dû défaire l'amitié parce que j'avais l'impression que la personne prenait trop de place dans ma vie et me donnait des responsabilités que je ne suis pas en moyen de prendre parce que j'ai de la misère à prendre soin de moi-même. Alors, mais je fais beaucoup d'efforts comparé à les années d'avant. Mais je me dis, quelques amis, j'évite de me rapprocher parce que j'ai ma vie. Je me dis, c'est chacun pour soi. Une fois qu'on est adulte, on n'est plus des enfants. Mais on peut avoir des amis même si on est adulte. Oui, on peut avoir des amis. C'est juste qu'il ne faut pas que la personne prenne trop de place dans la vie de l'autre. Moi, je trouve ça, c'est très important. Parce que quelqu'un qui vient coucher chez vous à tous les soirs, c'est pas évident. C'est plus profiter de... profiter de quelqu'un. Oui. Manger ton épicerie. Qu'est-ce qui différencie un vrai ami de... Un vrai ami, c'est quelqu'un que tu peux voir. C'est pas être une connaissance. Moi, je pense pas comme ça. Un ami, moi, je dis qu'un vrai ami, c'est là. Je dis qu'un vrai ami est là quand ça va bien ou que ça va pas bien. Ouais. Qui est là pour toi. Dans les bons comme les mauvais moments. Comme moi, quand j'ai été malade, Marie a été une vraie amie pour moi. À chaque histoire, elle m'appelait. Elle était fine, même quand j'étais mieux. Elle m'appelait. Où j'étais un peu inquiète, ouais. Pour savoir comment. Elle m'appelle tout le temps comment je vais bien, si je vais ou je ne vais pas. Marie, oui. Et Julie, qu'est-ce que tu penses de l'amitié? Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir la qualité que la quantité. Oui. Ah, alors, ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'il faut mieux avoir des amis de qualité que d'avoir beaucoup d'amis puis que ça soit de la merde. Alors, c'est quoi un ami de qualité, du coup? Tu poses trop de questions, là! Tu m'emmerdes! Ah oui, c'est le but! Mais pour moi, une vraie amie, c'est comme dit Monique, on peut parler de ses joies et de ses peines. Une vraie amie, c'est quelqu'un, mais... Moi, comment je vois la vie, comme c'est pas facile pour personne. La vie est facile pour personne. Mais moi, quand j'ai des amis, ça a tendance à profiter de moi beaucoup. Parce que ça remarque que je suis généreuse et gentille. Ça empiète beaucoup et moi, ça me met mal à l'aise parce que je veux pas de mal pour cette personne, mais... Mais ça, c'est pas forcément les vrais amis, alors? Non, c'est ce que je me rends compte à chaque fois. Au début, avec une personne, je me sens bien, mais à la longue, je me rends compte que j'apprends à connaître la personne puis c'est pas vraiment l'ami que je recherchais. Est-ce que comme moi? Il y en a des amis, ils vont dire « Ah, t'es mon ami, t'es mon ami. » En arrière de ton dos, ils vont être hypocrites, ils vont parler mal de toi. Comme une fois. Chut! Suzanne, zip! Zip! Puis une fois, c'est parce que je dis qu'un ami, quand tu files pas, comme Marie-Thérèse, elle filait pas une fois. J'ai dit « Marie, viens demain. » J'ai dit « Ma doudoune, je vais te parler, puis ça va aller mieux. » Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est parce que j'aime beaucoup Marie, moi. Je suis une amie sincère, moi. Ouais, ouais. Je suis pas comme... Tu sais, il y en a qui vont profiter des autres, là. Non, là? Excuse-moi. Oui, mais il faut aussi être disponible pour ses amis, s'ils ont besoin. Ouais. Oui, moi, oui, oui. C'est justement ce que... Avec l'ami que je me suis défaite dernièrement, j'ai montré que je voulais devenir en aide. J'ai proposé mon chez-moi, ma nourriture et tout. Mais j'ai remarqué que cette personne cache quand cette personne en a. Cache pour moi. Fait pas vraiment de partage avec moi. Mais alors, ça veut dire que toi, tu lui donnais des choses et elle, elle te donnait rien. Non. Et... Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que tu penses qu'à des vrais amis, on peut tout leur donner? Oui, des vrais amis, on peut tout leur donner. C'est un amour inconditionnel avec des vrais c'est amis. C'est presque comme la famille? C'est comme la famille. Bon, on n'est pas d'amis. Toi, tu veux nous dire quoi? Non, allez, allez, dis. Je vais essayer de puis mon ami. Tout, tout. Oh, et moi. T'as oublié. J'ai rien à dire. Et c'est des amis de longue date? Oh, elle, c'est pas là. Celle-là, ça fait 20 ans que je connais, elle. Monique. Est-ce que c'est la principale chose importante dans l'amitié? La chose la plus importante? C'est là, c'est la vie comme la bouche. C'est tout. C'est quoi? Faut pas qu'on dise rien. La chose la plus importante, je l'ai. C'est être avec une amie, c'est comme du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Ça veut dire tout ce qui arrive, tu l'accompagnes. Comment ça finit, tu l'accompagnes, tu finis avec. Du début jusqu'à la fin. Moi, je dis que c'est une bonne partenaire, ça. Du début jusqu'à la fin. Et on peut aussi savoir, comme critiquer les amis? On peut? On peut, mais lui dire à elle, pas dans son dos. Ah oui, d'accord. Lui dire, regarde, moi j'ai remarqué, toi t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Et normalement, si c'est une amie qui fait ça, on peut l'accepter. On peut l'accepter. Puis peut-être travailler ce point. Puis, une amie, ça peut être ta sœur ou tes enfants aussi. Oui, ça comme ma sœur est une de mes sœurs, c'est ma meilleure amie, elle est là pour moi. Quand oui, mais parfois les sœurs, elles ne sont pas des amies non plus. Ben, moi, ma sœur, c'est ma grande amie. C'est bien ça. Pour moi. Parce que quand ça va pas, elle est là pour moi. Et toi, quand ça va pas, tu es là pour comme elle? Hier, ça filait pas. Je l'ai appelée à m'écouter. C'est une grande amie pour moi. Madame. Et, pardon. Hey. Grande amie pour moi, là, comme je filais pas, elle était là pour m'écouter. Et est-ce que vous pensez qu'on peut être... pour ma maman, par exemple. Ta maman, c'est ton amie? Non, ma soeur se prend pour ma maman. Ah, d'accord. Ouais, mais ça... Est-ce que vous pensez qu'on peut être amis avec des hommes? Non, les hommes, oui, j'ai des amis. Non, j'ai essayé. Jeune ami. J'avais un ami que je voulais tout le temps parler de mes peines, de mes joies et tout. Je l'appelais et tout. Ça finissait toujours par des demandes de sexe. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Tu pourrais me faire une petite pipe avant de t'en aller. Tu pourrais me montrer un sein avant de t'en aller. Tu viens comme ça, tu t'en vas comme ça, tu m'embrasses pas. Non, impossible. Jamais. Homme, femme, impossible d'être ami. Moi, c'est mon vécu à moi, mais il y a des hommes qui se comprennent. Et toi, Monique, tu penses? Avec les hommes, oui, moi. Oui, j'aime bien les hommes. Oui, moi j'aime bien les hommes. Oui, je vais être amie avec les hommes. Hé, Monique! Monique, raconte ton histoire avec la... Oh, j'ai fait quelque chose, j'aurais pas dû faire. Non, moi j'ai un ami, c'est un homme, puis c'est mon meilleur ami, ça. Et jamais, comme elle disait, Non, lui, c'est quand il essaie de m'encourager, mais il est fin. Et tu t'en prends moins de main. Ça va, oui. Et tu t'en prends un magasinement. On parle de l'amitié, si tu veux. Le monsieur qui est mon ami, c'était mon chum avant, mais il est resté mon ami après ça. Et il n'y a jamais eu de choses bizarres comme moi? Ben avec, oui, mais... Oui, mais après, une fois que ça a été ton ami? Non. Parce que lui, il y a une femme maintenant, il est marié. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose, comme Monique parle de son amitié avec son ami homme. Moi, je pense, tout dépendamment de l'âge, plus on vieillit, plus on a de respect. Mais les jeunes hommes de mon âge, dans la vingtaine, la trentaine, début la quarantaine, ça, c'est encore puissant, ça court après le sexe. Impossible l'amitié avec les jeunes hommes. Ah, c'est pas une vraie amitié? Non. C'est pas une vraie amitié, quelqu'un, c'est « je viens pour toi et rien que pour le sexe, là. Après, c'est fini, je m'en vais. » Pas un ami, ça. Puis il y a des manipulateurs, il va se montrer ton ami, mais il va te faire des petites pincettes sur le ventre, puis il cherche quelque chose. Comme... Il va te taper une fesse, tu sens. Oui. Comme il y a un monsieur, il disait qu'il était mon ami, gars. C'est où je vais jouer au bingo. Hein? Il dit, tu me donnes un bain. C'est pareil, mais il a fait comme ça. C'est plus mon ami. Puis mon ami peintre. Ah oui, tu le sens. Hey. Tu... Non, c'est qu'il m'a fait ça, puis non, tu me respectes, excuse-moi. Je n'ai pas aimé ça. Je suis ton ami, mais... Ce que j'ai remarqué, c'est avec l'âge, hein, comme je vous dis, c'est plus on vieillit, plus on a de respect. J'ai remarqué. Et alors, plus on vieillit, plus on apprend à savoir qui sont ses vrais amis. Oui, oui. Et à cause de quoi, ça? Ben, parce que je me dis, le sexe masculin a une façon de se comporter avec une jeune femme et a une autre façon de se comporter avec une madame. Il y a une grande différence. Moi, j'ai remarqué comme quand j'avais 17, 18 ans au début de la vingtaine, je me faisais beaucoup écœurer pour le sexe et tout. Rendu dans la trentaine, c'est moins, mais il y a encore. Et l'amitié avec les filles, c'est plus facile alors? C'est plus facile. Mais est-ce qu'il n'y a pas des, comme de la jalousie parfois ou des choses comme ça? Oui, oui, oui, parfois ça arrive. Mais c'est justement, quand on parlait de l'amitié, qu'est-ce que je disais? On arrive à un point, on finit l'amitié. L'amitié ne peut plus continuer quand on se rend compte de plusieurs choses comme ça. Et celle qui continue, ça peut durer même. Est-ce qu'on peut être ami avec les mêmes personnes à 20 ans et à 50 ans? Oui, oui, oui. Même si on change? Oui, même si on change. Ça, c'est les vrais amis. Comme, parce que quand même, on n'est pas les mêmes personnes à, je sais pas, à 18 ans et à 55 ans. On est totalement différents. On est différents. Mais on peut avoir les mêmes amis? On peut avoir les mêmes amis, mais... Oui, oui, oui. L'âge n'a pas de rapport. Ah oui? Oui. C'est bien ça. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'on garde plutôt ses amis quand on est jeune ou les amis qu'on se fait plus tard en étant plus mature? Les deux, c'est pareil. On peut avoir des amis de longue date et on peut devenir... Toi, tu as des amis depuis que tu es très jeune? Depuis d'enfance. Et que tu as gardé? J'ai été au secondaire avec elles. Et maintenant, elles sont infirmières, ont acheté des maisons, ont mieux réussi que moi. Moi, je reste avec mon petit bien-être social, là, puis c'est correct. Et elle m'accepte quand même, elle m'accepte quand même. Bah ça, c'est des vrais amis. Oui, alors. C'est des vrais amis. Et quand tu as besoin d'aide, elles peuvent venir elles t'aider? Elles peuvent m'aider, mais moi, je ne vais pas leur demander de l'aide. Oui, mais si jamais elles se rendent compte que ça ne va pas trop... Elles vont m'aider. Elles vont t'aider? Oui. C'est bien, ça. Et est-ce que c'est comme un peu comme la famille, alors? Oui, c'est que ça devient comme la famille. Moi, j'ai une amie, on courait dans les cases de l'école, on faisait notre tannante. Puis aujourd'hui, elle est infirmière, elle a une maison à Laval, elle est mariée à deux enfants. Et c'est puis bien. Je garde ses enfants. Et puis on est encore des amis. C'est bien. Et tu voulais rajouter quelque chose, Monique? Je veux pas avoir des amis comme « Oh, moi, je veux ci, je veux ça ». Quand ils veulent quelque chose, il faut toujours te le donner. Ce n'est pas des amis, ça. J'aime pas des amis comme ça. Là, elle, j'ai une fille, quand elle n'est pas avec son chum, je t'expliquais à elle. Ah, elle est mon amie. Ah, elle est super, mon amie. Quand son chum recommence, elle ne me connaît plus comme si je n'existais plus pas. C'est une profiteuse, ça. Ben, elle. Minute, man. Excuse-moi. Mais elle me rend malade. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai été malade. Parce que je peux pas dire ce que je pense, parce que j'ai peur qu'elle se parle. Sauf que ça reste. Ça, c'est pas vraiment des amis. Non.